Bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez sur Radioactive. Cela ne vous a pas échappé, la ville d'Amboise a célébré les 60 ans de son théâtre Beaumarchais, l'occasion pour l'équipe du service culturel de la ville d'ouvrir au public les coulisses de ce lieu emblématique, mais aussi d'inviter les visiteurs à découvrir l'exposition en retraçant l'histoire. Expo qu'il est d'ailleurs encore temps d'aller voir, et ce jusqu'au 14 avril dans la Rotonde. Rassurez-vous toutefois, elle sera encore visible par la suite au musée Hôtel Morin. Nous avons accompagné la visite des élèves de la classe de CM1 de l'école élémentaire Rabelais-Richelieu qui ont ainsi pu découvrir dans un premier temps les aspects techniques, visiter les loges, avant de profiter de la visite commentée de l'expo par le guide idéal en la personne de Guillaume Métayer, responsable du pôle patrimoine archives de la ville. On retrouve tout de suite ce reportage, bonne écoute et merci aux enfants pour leur participation. Cette platine? Alors, c'est pas une platine, c'est une console. C'est une console son. Avec cette console-là, on commande du son. On branche un appareil dessus. Alors, on peut y brancher un téléphone. Hein. Là, j'ai raccordé ce qu'on appelle un mini jack, hein, un jack 3.5, que je peux brancher sur le téléphone. Vous avez vu? Ça bouge tout seul, c'est motorisé. On est sur deux voies. Gauche, droite. La stéréo, comme à la maison. Ça s'appelle comment le truc qu'il disait là? Une console. Une console. Vous êtes déjà venu au théâtre? Oui. Vous êtes venu voir quoi? Des spectacles. Oui, des spectacles de quoi par exemple? De Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine, ouais. C'était tiré de Chubica. Oui, c'était tiré de Chubica. D'accord. Et là, normalement. Vas-y, saut. Gauche, droite. Pourquoi il s'est écrit solo? Ah, pourquoi c'est solo? Alors, c'est super simple. Solo. En fait, quand tu cliques sur solo, tu as une barre qui apparaît là. Ça permet de régler ton niveau. L'idéal du niveau, c'est d'être à 0 dB. Et tu le cales ici, tu vois, plus je tourne la molette et plus je monte. Il y en a qui aimeraient bien faire ce métier-là plus tard. Oui. DJ. Ah, DJ, c'est de l'artistique. Mais c'est le métier. J'y penserai. Donc toi, tu veux être DJ? Non. Ah, tu veux plus? Ah, tu veux plus? Merci, Rodolphe. Écoutez, merci à vous. Merci. Donc là, on va continuer avec la partie historique. Hein. L'histoire du théâtre. On va redescendre ici. Ça sert à quoi, les loges? À se maquiller, à se préparer. C'est ça. Bon, allez, on va pouvoir redescendre maintenant. Il y a une lumière. Ça y est, vous avez fait le tour? Oui. Non. Ça, c'est l'accès à la scène, donc on peut pas y aller parce qu'ils sont en train de répéter. Oh. Alors, comme je vous le disais au tout début, le théâtre, il a 60 ans. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a été construit, le théâtre? Ça sert à quoi, un théâtre? Oui. Pour distraire les jeunes. Oui. Pour pouvoir avoir de l'argent. Aussi. Et pour pouvoir travailler. Oui. Parce que c'est intéressant, c'est culturel. Mm-hmm. Parce que quand les jeunes n'étaient pas contents, on pouvait organiser des choses. Oui, pour des réunions, par exemple. Pour se divertir. Oui. Pour faire des spectacles. Et donc, comment on fait pour faire des spectacles s'il n'y a pas de théâtre? Ah, on fait des spectacles dans la rue. Ouais, ça peut être dehors. Et s'il pleut? On peut se faire un théâtre. Oui. On peut jouer dans la salle des fêtes, s'il y a d'ailleurs. Voilà, s'il y a une salle des fêtes. Dans l'église? Dans l'église, bon, ça peut être compliqué après. Il faut que le curé il veuille bien que j'ai des pièces de théâtre dans son église. Alors en fait, les pièces de théâtre dans les petites villes, elles étaient organisées dans les cabarets ou dans les bars, dans des lieux vraiment de divertissement et de loisirs. Et pour ça, il fallait qu'il y ait de la place, en fait, que ce soit un bar assez grand. Mais il n'y avait pas de lieu qui était fait exprès pour accueillir des spectacles. C'était un lieu qui avait une autre utilité. Et s'il y avait une volonté de faire des spectacles, on pouvait aménager un petit peu la salle pour avoir des spectacles. Donc ça pouvait être aussi une salle des fêtes ou une pièce qui avait plein d'utilités. Mais il n'y avait pas de lieu qui servait juste pour le théâtre. Et donc à Amboise, c'est au premier tiers du 19e siècle. Alors est-ce que vous arrivez à situer à peu près le 19e siècle? Vous n'avez pas encore d'histoire en ce moment? Louis XIV, la Renaissance. Ouais. Ah oui, donc vous en êtes loin. À l'époque de Louis XIV, par exemple, si on voulait organiser un spectacle à Amboise, eh ben, il fallait que quelqu'un qui avait un bar ou un cabaret aménage un petit peu sa salle pour accueillir des spectacles. Ou sinon, pour faire des spectacles, ben, on pouvait faire par exemple dans les arènes, là où il y avait les esclaves qui se battaient. Il n'y en a pas à Amboise, hein. En fait, il y avait deux possibilités. Si jamais Molière avait voulu venir à Amboise au XVIIe siècle, soit il allait au château. Le château au XVIIe siècle servait un petit peu de prison, donc c'était pas top. Bon, si c'était un spectacle au château, on peut penser que c'était plutôt pour le roi ou pour les nobles, donc c'est pas un spectacle qui aurait été ouvert à tout le monde. Les gens qui habitent en Amboise, ils auraient pas pu participer au spectacle. Ou alors, si c'était un spectacle plutôt pour les Amboisiens, là ça aurait été dans un cabaret. Mais ça aurait été dans un petit espace, alors qu'au château, il y a de grandes pièces, donc on peut aménager une belle scène pour accueillir Molière. Mais ça aurait été une scène temporaire, il n'y avait pas une salle de théâtre comme il y a à Versailles par exemple. En Amboise, il n'y avait pas ça. Et donc au 19e siècle, il y a un monsieur qui va décider d'ouvrir une salle de spectacle à Amboise. Elle était juste en face du centre d'art Le Garage. Je ne sais pas si vous situez. Oui. Ben voilà, maintenant il y a un bar. Vous avez la façade ici. Donc c'était le premier théâtre d'Amboise. Et c'était tenu par un menuisier en fait. C'était pas un artiste, c'était pas un technicien. Lui, ce qu'il savait faire, c'est des décors justement. Et donc il a construit une salle. En fait, c'était une espèce de grand hangar à la base. Donc ça aurait pu servir pour les industries par exemple, parce qu'en fait ce quartier-là c'était un quartier plutôt industriel. Donc il construit un hangar, mais il l'aménage pour que ce soit une salle de spectacle. Donc avec des chaises, avec une scène. Donc c'est une salle qui bougeait pas, ça restait que pour accueillir des spectacles. Après ça pouvait aussi servir s'il y avait des réunions politiques par exemple, ou des conférences. Voilà, elle pouvait avoir d'autres utilités. Donc l'objectif de Monsieur Basile, c'était quand même de gagner de l'argent. Parce que sinon, ça servait à rien de construire une salle de spectacle. Donc ça va fonctionner, mais c'est très compliqué de gagner de l'argent quand on organise des spectacles. Et donc très vite, il va faire faillite, il va être obligé de vendre sa salle. Et puis finalement, il revient, il reconstruit une salle, donc c'est la salle, le bâtiment actuel, avec une belle façade en pierre. Puis il meurt quelques années plus tard, donc il ne peut pas en profiter beaucoup, mais on voit qu'il a beaucoup de mal, parce qu'il fait beaucoup de demandes. On a ses courriers, il envoie des lettres au maire en demandant s'il pouvait avoir un petit peu d'argent pour aider au fonctionnement de la salle, parce que même s'il fait payer des spectacles, c'est pas assez pour rembourser les acteurs, l'entretien de la salle. Donc il y a quand même une histoire de volonté et de passion, parce que ça ne peut pas être seulement rentable. Donc c'est pour ça que la salle, elle ferme, puis elle réouvre, et il y a des périodes très compliquées. Au début du XXe siècle, il y a une invention qui va un petit peu changer les choses, et les gens ils vont un petit peu moins s'intéresser au théâtre. Est-ce que vous connaissez une invention liée au divertissement qui est inventée au début du XXe siècle ? Non. Ouais, t'allais dire quoi ? Ah non, le téléphone, non. Oui. Le cinéma. Au début du XXe siècle, c'est l'invention du cinéma. Et le cinéma, c'est pratique parce que bah, ça coûte beaucoup moins cher. Si vous avez le choix, vous avez une salle de spectacle et vous voulez gagner de l'argent. Vous avez le choix entre faire venir des acteurs, les payer, avoir des décors, aménager des décors, les monter, les démonter, ou alors avoir un écran blanc et diffuser des films. Le choix, il est vite fait. Si vous voulez gagner de l'argent, vous transformez votre salle en cinéma. Et donc, bah, c'est ce qui va se passer en Amboise au début du XXe siècle. Le théâtre est transformé en cinéma, parce que c'est mieux pour gagner de l'argent. Sauf qu'après la Deuxième Guerre mondiale, patatras, il y a une nouvelle invention. Les gens ils vont aller un petit peu moins au cinéma parce qu'il y aura un autre quelque chose d'autre qu'ils vont avoir directement à domicile. La télé. Voilà. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, les gens vont aller moins souvent au cinéma parce que bah, les films, ils peuvent les avoir directement à la télé. Et donc le... Pas tous, bien après... Les tout premiers films, souvent, ils sont d'abord diffusés au cinéma et après à la télé. Ouais, mais après, si t'attends un petit peu, du coup, le film, tu l'as directement à la télé, t'as même pas besoin de payer. Bah, et après, ça se fait progressivement parce qu'il faut le temps que les gens achètent une télé, que les films arrivent, mais les gens vont plus aller au cinéma et donc le cinéma d'Amboise va fermer. Et donc, c'est à ce moment-là que la ville va se dire il faut qu'on fasse quelque chose parce que quand le divertissement est géré par des personnes privées, leur objectif ça va être de gagner de l'argent, sauf que c'est compliqué de gagner de l'argent. Et donc, si on veut qu'il y ait un lieu dans une petite ville comme Amboise où on peut avoir des spectacles, un lieu pour la culture, il faut que ce soit un lieu public, sans l'objectif de gagner de l'argent. L'objectif principal, c'est de donner de la culture aux Amboisiens. Et donc la ville va décider de construire son propre théâtre, qui serait géré par la ville, et donc pas par Monsieur Basile ou un monsieur qui décide d'avoir une salle de spectacle ou une salle de cinéma. Et donc on va lancer la construction du théâtre. Alors il va y avoir plusieurs projets. Donc ici vous avez deux plans différents. Vous avez le premier plan, vous voyez que c'était une salle carrée. Et le deuxième, on arrive sur une salle ronde comme on a actuellement. Il va y avoir beaucoup de discussions avec les architectes, c'est compliqué de trouver la bonne forme, parce qu'il faut trouver la forme de salle qui permet à tout le monde de voir le spectacle, il faut trouver la bonne forme aussi pour la scène. C'est compliqué parce que vous voyez qu'on est coincé entre une rue ici et une rue ici. Ici, vous avez une salle qui s'appelle le foyer. Est-ce que vous savez ce que c'est un foyer dans un théâtre? Oui. C'est un peu leur endroit, là où ils mangent et tout ça. Leur quoi? Où ils mangent? Là où ils mangent, là où ils jouent. Alors ils jouent sur la scène? Non mais là où par exemple, ils vont pas jouer leur rôle, mais genre ils vont s'amuser. Pendant l'entracte par exemple? Oui. Oui, d'une certaine manière. Le foyer, c'est un espace pour se reposer, et c'est un lieu pour se retrouver. Donc vous voyez, le bar, le foyer s'appelle pas le foyer, il s'appelle le bar, et il est là. Finalement il est ici, comme ça, ça permet d'avoir une salle un peu plus grande. Et après vous allez voir le troisième projet, où le foyer il est agrandi jusqu'ici parce qu'on décide de le transformer en salle des fêtes. Parce qu'on se dit, c'est bien, on va avoir un théâtre, mais on n'a pas de salle des fêtes. Alors on pourrait avoir les deux en même temps, on va avoir un grand bâtiment qui servira à la fois de théâtre et de salle des fêtes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas laissé la scène de ce côté-là, ce qui nous a permis d'avoir une grande scène et une salle plus grande. Non, parce qu'on va avoir le théâtre et la salle des fêtes. Donc au début, ça va poser beaucoup de difficultés, parce que si vous avez une pièce de théâtre, vous ne pouvez rien faire dans la salle des fêtes. Parce que si vous faites du bruit dans la salle des fêtes, ça va déranger les acteurs et les spectateurs dans la salle de théâtre. Il n'y avait pas de mur entre les deux. Il y avait juste des rideaux. Donc en fait, on avait deux espaces, mais en fait, ça restait quand même un seul grand espace. Et c'est des choix étranges qui ont été faits, qui ont posé beaucoup de difficultés ensuite pour l'utilisation du théâtre. Donc là, vous avez des photos du chantier et vous voyez les matériaux qui ont été utilisés pour le théâtre. Donc, qu'est-ce que c'est ces matériaux? Il est en quoi le théâtre? Il est en bois? En pierre. Qu'est-ce qui est plus solide que la pierre? Ouais, pour la charpente, elle est en métal. Et ça, c'est quoi? Du béton. Donc le théâtre, il est en béton et il est couvert d'une charpente métallique. Le béton, c'était un matériau moderne. Le métal, dans les années 50, c'était moins moderne. À cette époque-là, on pouvait faire des charpentes en béton. Mais les architectes, ils n'étaient pas forcément spécialistes du béton, donc ils ont fait quelque chose d'assez classique. En faisant une charpente métallique. Le théâtre du 19e siècle, en fait, il était aussi couvert d'une charpente métallique. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'évolution entre le premier théâtre d'Amboise et le théâtre actuel. Les architectes, ils ne sont pas très connus, mais ils ont fait beaucoup de chantiers dans la région. Donc là, quand vous approchez, on voit la maquette. Il sert à quoi les petites manettes là? C'était des boutons qui permettaient d'allumer les lumières sur la maquette du théâtre. Vous pouvez regarder par les fenêtres aussi, vous voyez, vous avez les halls, vous voyez dans la salle des fêtes, même des petits sièges. Oh, trop bien, je vois une petite arme. Il y a quelque chose qui me fait beaucoup. Il y a plus les petits arbres. Oui, je vois quelqu'un avec des lunettes. C'est ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de mur entre la salle de spectacle et la salle des fêtes. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Tu vois quoi dedans? J'avais vu l'œil de quelqu'un avec des lunettes. J'ai regardé dans la fenêtre, il y avait une porte ouverte, il y avait une salle. Et avec la fenêtre, on pouvait voir une autre fenêtre. Et dedans, j'ai vu quelqu'un qui regardait. D'accord. Vous voyez aussi, il y a un trou sous la scène. Et ça, c'est un trou qui n'existe plus maintenant, parce que la scène, elle va jusqu'au bout. Donc ça pouvait servir soit pour mettre un orchestre, soit pour mettre un souffleur. Vous savez à quoi ça sert, un souffleur? Voilà, il est caché sous la scène et je vais souffler le texte au comédien s'il l'a oublié. Donc il y avait une petite trappe comme ça. Ils sont allés dans le détail très très loin parce qu'ils ont mis la petite danseuse sur la scène, mais ils ont aussi mis des fausses affiches pour qu'on puisse se dire ah oui, ça ressemblera à ça quand ce sera terminé. Et là, la maquette qu'ils ont fait, c'est le théâtre maintenant ou c'est avant? Oui. Enfin, c'est le théâtre il y a 60 ans. Ah oui, c'est du coup, il a un petit peu changé depuis. Mais c'est toujours le même bâtiment. D'accord. Toi, tu reconnais, t'as la grande baie vitrée là, et c'est là où on est maintenant. On voit les deux escaliers aussi de chaque côté. Bon, alors la programmation, ça vous parlera moins, mais si vous venez avec vos parents et vos grands-parents, il y a des chances que ça leur parle un petit peu plus. Alors ça, voilà, c'est des affiches de toutes les stars qui sont venues à Amboise depuis la construction du théâtre. Voilà, donc je sais pas, Eddie Mitchell, vous connaissez peut-être? Peut-être. Eddie Mitchell, ça vous dit quelque chose? Hugo Frey? Hugo Frey, non? Peut-être. Ah bon. Patrick Sébastien. Non. C'est pas la même. On est trop jeune pour ça. C'est qui Annie Cordier? Voilà, si tu viens avec ta mamie, elle connaîtra bien. Ah, Thomas VDB, on a quand même Thomas VDB. Alors je suis Guillaume Métayer, je suis le responsable du patrimoine de la ville d'Amboise. Alors Guillaume, vous avez assuré la visite aujourd'hui auprès d'une classe de CM1. Est-ce que c'est un moment sympa, ça, de faire découvrir aux enfants leur patrimoine local? Oui, alors c'est intéressant. Alors c'est pas toujours simple parce qu'il faut réussir à adapter son discours. Et c'est vrai que c'est une exposition qui attire beaucoup les amboisiens, mais pas forcément les jeunes, puisque déjà, dès qu'on parle de la programmation, les artistes qui sont venus à Amboise dans les années 70-80, ça parle beaucoup moins aux jeunes. Donc là, sur ce type de visite, je vais plutôt leur parler de l'architecture du théâtre ou de l'histoire du théâtre et un petit peu moins de la programmation. Cette exposition, elle est visible jusqu'à quand ? Elle est visible jusqu'au 14 avril, donc elle est ouverte le samedi et le dimanche de 13h à 17h. Et à partir du 20 avril, elle va être déplacée au musée Hôtel Morin. Donc si vraiment vous n'avez pas l'occasion de venir d'ici là, vous pourrez la voir cet été au musée. C'est en entrée libre ? Oui, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a des séquences où vous êtes présent et donc vous expliquez toute l'histoire du théâtre ? Alors non, il n'y a pas de visite guidée, mais ça peut être organisé à la demande. Mais sinon, on a organisé une visite des équipements techniques par Rodolphe. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Alors, moi j'aimerais bien savoir si la visite vous a plu. Oui. J'ai adoré. Et alors, qu'est-ce que vous avez préféré ? La maquette. Ouais, la maquette. Les consoles et la patine. D'accord. Le son et les lumières. Tout. Est-ce que c'était bien expliqué ? Est-ce que Guillaume, ce qu'il vous a raconté, vous avez compris ? Oui ! Alors le théâtre, il est fabriqué en quoi ? En béton. En béton et puis en quoi ? En métal. Et alors c'était le premier théâtre à Amboise ou il y en a eu d'autres avant ? Parce que je suis pas sûre d'avoir... Il y en a eu d'autres avant. Le premier théâtre, il a été remplacé par un truc à bière. Un bar. Un bar à bière. Les platines, enfin la console, on peut les mettre en route avec son téléphone. Oui, c'est vrai. Que la charpente, elle a été construite avec du bois. Il a dit que aussi... Il fallait faire dans un endroit où il y a de la place pour pas détruire plusieurs maisons. C'est vrai. Qu'aussi, il y a des anciens sièges d'avant pour le bar. Parce que là, le théâtre, il y a 400 places et avant, il y en avait combien, vous souvenez ? 600. Ah oui. Aussi, il y a une salle des fêtes à côté du théâtre. Ouais. Et avant, le théâtre et la salle des fêtes, il n'y avait qu'un rideau qui les séparait. Et c'est quoi le problème justement qu'il y avait qu'un rideau ? C'est qu'il y avait trop de bruit. Eh oui. Il y avait trop de bruit, on dérangeait les comédiens. Est-ce que ça vous donne envie de revenir au théâtre pour y voir des spectacles ? Oui. Ok. Vous aimeriez voir qui, par exemple, une star ou... Imagine Dragons. Vous aimeriez voir qui comme star ici au théâtre ? Un peu tout. Ce serait bien, tout. Tout, ça serait incroyable. De ce côté-là, ils veulent bien tout. Et de ce côté-là ? Moi, Gazo. Moi, c'est Nino. Black M et Soprano. Oh, Marwala. À toi, c'est... On les fait venir, c'est pas grave. Bon alors, Guillaume, vous avez entendu les requêtes des enfants. Est-ce que vous pensez que Gazo, Dadju, Black M, tout ça, c'est possible au théâtre d'Amboise ? Alors, je pense que c'est possible s'ils viennent bénévolement. Donc écrivez-leur un courrier et demandez-leur s'ils veulent venir à Amboise gratuitement. Je pense que c'est la seule solution pour qu'ils viennent à Amboise. Bon bah super. Vous êtes venus avec qui ? Maîtresse. Pascal. Bon et entre nous, parce qu'elles n'entendent pas, est-ce qu'elles sont sympas ? Oui. Bon est-ce que Guillaume a été sympa aussi sur cette visite ? Oui. À bientôt sur Radio Active. Génial, vous êtes super.